merde. Bonjour Martine. Le patron est arrivé. Oui Elias, je suis désolée. Et il a vu que tu étais en retard. Il t'attend dans son bureau. Chiotte. Bon, souhaite-moi bonne chance. Ah, Elias, encore à la bourre. Tu vas te faire passer un de ces savons. Va te faire voir, Michel. Entrez. Ah, monsieur Kervan, asseyez-vous, je vous prie. Je voulais simplement faire une petite mise au point avec vous. C'est la troisième fois cette semaine que vous êtes en retard. Ajoutez à cela votre baisse de rentabilité et vous pouvez comprendre que je commence sincèrement à m'inquiéter. Une entreprise, c'est un peu comme un mécanisme. Chaque employé est l'un de ses rouages. Lorsque l'un d'entre eux est grippé, c'est tout le mécanisme qui en pâtit. Vous me comprenez ? Ce n'est pas dans vos habitudes. Je vais donc laisser passer pour cette fois. Prenez un jour de congé si nécessaire pour vous reposer. Mais reprenez-vous. Bien, monsieur Saint-Ange, je vais m'en prendre, vous en faites pas. Pauvre con. Si j'étais sur Agartha, ça fait longtemps que je l'aurais expédié à de Patres. Tout comme cet imbécile de Michel. Mais bon, j'étais dans cette fichue réalité et j'ai dû reprendre ce boulot que j'exécrais de plus en plus. En fait, une seule chose me faisait tenir. L'idée de retrouver, le soir venu, un monde où j'étais vraiment maître de moi-même. Nous étions redescendus du plateau d'Arthos par le chemin situé au nord de celui-ci pour rejoindre la route de Kerno. Voilà 3 jours que nous marchions sur cette large piste, croisant régulièrement des marchands et des pèlerins se rendant au statut du mont. Nous allions rencontrer... Vous sentez cet air marin ? Nous approchons de Kerno. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Lors de la soirée sur le mont Arthos, j'avais fait la rencontre de Joseph, un jeune mage se rendant lui aussi à Ogmios. Mon habituel compagnon s'étant enfermé dans un silence têtu, je me suis dit qu'un troisième camarade, avec un caractère plus enjoué, serait le bienvenu. J'avais donc fini par l'imposer à Louarn, malgré les réticences de ce dernier. Effectivement, je le sens. Nous devrions y être d'ici une petite heure de marche. Oh ! Tu as retrouvé ta voix ? Je me suis inquiétée, tu sais. Ah, ça va. J'ai hâte de vous faire visiter Ogmios. Vous verrez, cette île est fantastique. Et puis l'académie, ses tours d'ivoire, c'est superbe. Mais pas très sûr, apparemment. Tu parles des disparitions ? À mon avis, ce ne sont que des conneries. Les créateurs d'Agartha ont voulu brider la magie. Son apprentissage est long et difficile. Ça fait des semaines que je suis à l'académie et je ne sais presque rien faire. Les disparus ont dû filer en douce parce qu'ils en avaient ras-le-bol. Mais comment auraient-ils fait ? Tu m'as parlé d'un unique accès à l'île. Oui, c'est vrai. On ne peut pas y accéder directement. Les falaises d'Ogmios plongent à pic et y interdisent tout accostage. Il faut rejoindre Ivory, l'île d'à côté, où se trouve un petit port et surtout le câble et les nacelles qui font l'aller-retour entre les deux îles. Y entrer en douce est impossible, mais ils ont dû trouver un moyen d'en sortir. Nous verrons cela sur place de toute façon. Un bateau doit m'attendre à quai. Si vous le souhaitez, vous êtes les bienvenus. Avec joie. Oui, cela nous évitera d'en chercher en direction de Pignos. Merci. D'accord, je vais voir ça avec le capitaine. Attendez-moi là. Bonjour, capitaine. Me voici enfin. Ah, Joseph. Je me tardais de reprendre la mer. Heureusement que les mages sont influents, sinon je serais déjà parti depuis 2 jours. Tu as l'air soucieux, Louarn. Nous sommes prêts à parier. Cette histoire de disparition est étrange. Donc le roi lance une telle mission, c'est que cela l'inquiète. Je ne crois pas à une simple fugue. À quoi penses-tu ? Je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Erwana, Louarn, le capitaine nous attend. Vous êtes priés de monter à bord. Thank you. voir. Larguez les amarres. Cap à l'ouest. Toute voile dehors. Venez voir. Qu'as-tu vu, garçon? Il fait nuit. Là-bas, regardez, les ombres au sud. Ce sont les ruines de Lugh. On dirait qu'il y a des lueurs. Des lueurs? Je ne vois rien. Je voulais simplement vous montrer l'ancienne capitale. Erwan a raison, je les vois également. Nos sens sont plus aiguisés que les tiens. Peut-être. Il y a tout un tas d'histoires que les jeunes mages se racontent pour se faire peur. On surnomme la ville Lugh la Maudite. Mais ce sont peut-être tout simplement des pilleurs en quête d'objets de valeur, ou des voyageurs qui sont venus visiter les ruines de l'ancienne capitale. C'est possible, ouais. De toute façon, d'ici 2 heures, nous devrions atteindre Ivory. Mais la nuit tombe de plus en plus. Vous pensez que vous aurez le temps de prendre la nacelle jusqu'à Ugmios? Ça ne me pose pas de problème. C'est mon jour de congé demain. Je peux donc prolonger mon séjour sur Agartha. Pardon, Luarn. Le roleplay. Ouais. Tu ne bosses pas, toi? Non, c'est bon, ça ira. Ivory en vue! Bien. Préparez la manœuvre. Parez à accoster. Nous passerons le reste de la nuit à quai et nous reprendrons la mer au petit jour. Bien, capitaine. Merci pour le voyage, capitaine. Et voici ce qui était convenu avec mes supérieurs. Merci, Joseph. Salut Hélène de ma part. L'île que nous venions d'atteindre n'était pas plus qu'un morceau de rocher entouré par les flots. Une seule route traversait le village et partait du petit port où nous nous trouvions pour monter en pente douce vers les falaises se trouvant de l'autre côté. Il ne nous fallut pas plus d'une demi-heure pour arriver à la fameuse nacelle permettant de faire la liaison entre Ivory et Ohmios, l'île où se trouvait l'Académie de Magie. Il s'agissait d'une cabine de métal et de bois suspendue par un câble à plusieurs dizaines de mètres au-dessus des flots agités. Le mécanisme semblait fonctionner avec un système de poulies, mais je ne voyais aucun levier pour l'actionner. Je vous en prie, prenez place. Ce n'est pas très confortable, mais la traversée est relativement rapide. C'est parti. Wow, c'est haut quand même. Je vous présente Grut. En vérité, je ne connais pas son nom. On en invente un à chaque fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Un troll. C'est lui qui actionne le mécanisme avec cette grande manivelle. Il le met en marche à chaque fois qu'il voit la lumière que j'ai faite avec mon bâton. On ne peut donc pas venir à l'improviste ici. Attends, il y a des trolls domestiques sur Agartha? Oui. En fait, on les classe dans un peuple qu'on appelle Faumoir. Il s'agit de toutes les créatures étranges et difformes qui se trouvent sur ce monde. Les légendes disent qu'il en existait énormément, mais ils ont presque tous disparu. Seuls les trolls et les gobelins s'en distinguent et continuent d'arpenter les terres d'Agartha. Oui, c'est bien ça. Pas mal pour un débutant. Je sais déjà tout ça. Moi aussi, j'ai suivi la première version. Ce qui me surprend, c'est d'en voir un travaillant pour les hommes. Ah, pardon. Il doit être lié à l'île par un enchantement ou un contrat. Le mage le conserve parce qu'ils en ont besoin. Bon, c'est dommage, il fait nuit. Vous ne pouvez pas profiter de la vue sur les tours d'ivoire. Je vais vous conduire jusqu'au quartier des invités. Il y a toujours des chambres libres. On se retrouvera demain, après une bonne nuit de repos. Les chambres réservées aux invités étaient sommaires, mais cela conviendrait parfaitement pour cette nuit. Je sentais la fatigue me gagner, ce qui, paradoxalement, signifiait mon réveil imminent dans le monde réel. Nous sommes donc séparés, avec Luarn, sur le pas de notre porte, et je me suis écroulée comme une masse sur le lit.